Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. avec Eric. Metal Express avec Eric. je vois des drapeaux en pagaille. Autour de moi, les gosses tombent sous la mitraille. Au loin, je vois des drapeaux qui vacillent. J'aperçois les marques, pas les faucilles. Brutes assoiffées, dessus me sont tombées. Sur le revers de l'uniforme insigniforme. Vagues souvenirs de Jean-Pierre Prélevé courant dans les rues. Tchécoslovaque, perdu. Tourné vers l'ouest, rien de nouveau. À la porte de chez toi, réouvre le tombeau. Je vois des drapeaux qui flottent le long des avenues, ces gens aussi le battent. Au loin, je vois des drapeaux qui vacillent. J'aperçois les marteaux par les faucilles. Pris de bien entrer les propagandes guérilla. Et d'un seul geste, d'un seul te mettre ton pas. Idéologie construite sur vos cadavres. Écoutez-les chanter le fusil pointé. Écoutez-les vanter leur système politique. Où tu marches dans le rempart, la trique et les flics. Toi, si tu bouges là-bas, devinez les faits grâce quand on a mal. Ils brûleront vos gosses. Au loin, je vois des drapeaux en pagaille. Autour de moi, les gosses et leurs entrailles. Au loin, je vois des drapeaux qui s'enflamment. Orient dans la ville, courent vos femmes, vos femmes. Courent vos femmes. J'ai à se distraire. Assis à table, ils parleront des cris qu'on fait taire. Ils parleront de la mort et de son pouvoir. Réunissez-vous pour se satisfaire. De voir à genoux, de tendre la joue. Les crachez-leur au visage dans le vide d'un sauvage. Réunissez-vous dans vos mises, visez la tête sans plaisir. Au loin, fait que je ne vois jamais de drapeau. Que les gosses continuent à rire, à être beaux. Autant fait que s'épanouissent les familles. Sans le poids d'un marteau ni dans une faucille. Au loin je vois des drapeaux qui flottent. Le long des avenues ces gens sont s'élevantes. Au loin je vois des drapeaux qui s'enflamment. On est rond dans la ville, courent vos femmes, vos femmes. Courent vos femmes. Vos âmes. Vos âmes, vos âmes, vos âmes. Au loin, je vois des drapeaux en pagaille. Autour de moi, les gosses tombent sous la mitraille. Au loin, je vois des drapeaux qui vacillent. J'aperçois les marteaux, pas les faucilles. Au loin, je vois des drapeaux qui flottent. Le long des avenues, ces gens sont célibates. Au loin, je vois des drapeaux qui s'enflamment. On est loin dans la ville, courent vos femmes, vos femmes.

She don't like bumping around. A coal miner, a big pawner, no matter what you are. There's only one in Goose Bay that makes her wild. It really makes her bloom. It really makes her bloom. And it's nothing but backseat of a Trans Am. A backseat of a Trans Am. Only black but she likes to play. Backseat of a Trans Am. Backseat of a Trans Am. Backseat of a Trans Am. Really makes her bloom. Backseat of a Trans Am. Nothing but Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Maybe you're mine.